Le mystère du château de Mainville, une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellem. Tout de suite, en descendant du train qu'il avait amené, Pinson aperçut sur la hauteur, tout entouré de bois, de vastes pièces d'eau et de magnifiques pelouses en pente douce, le château de Mainville, où il venait d'être mandé par une lettre du propriétaire qui lui était parvenue le matin même. Au sortir de la gare, un beau guet, attelé d'un joli cobalzan, l'attendait, envoyé par M. Revel de Saint-Marin, le châtelain de Mainville. Le cocher l'aborda en saluant et l'invita à monter. La bête allait très vite, aussi, au bout d'une vingtaine de minutes, l'inspecteur de la sûreté gravissait-il les marches du perron, se trouvant de suite en face du propriétaire du château. Celui-ci le fit aussitôt entrer dans un petit salon. « Je vous ai écrit, M. Pinson, ayant entendu parler de vos succès policiers. » Il ne s'agit pas de découvrir les auteurs du cambriolage tout récemment commis chez moi. Le vol était trop minime pour que je m'en affecte beaucoup et que je vous fasse perdre un temps précieux à ce sujet. Une autre chose m'occupe fort en ce moment, et je désire que vous me donniez votre avis sur ce que je dois faire. « Je ferai de mon mieux, soyez-en certain, » répondit Pinson. « Mon fils aîné, Octave, atteint sa majorité dans une quinzaine de jours, et il est de tradition dans notre famille de donner une fête à cette occasion. C'est non seulement une fête familiale, mais des amis y seront également invités en signe de réjouissance. C'est là une tradition que je comprends fort bien que l'on conserve. Malheureusement, elle tend de plus en plus à disparaître de nos jours où l'on se montre si terre à terre. Elle nous vient d'Italie, le berceau de ma famille et de génération en génération, nous n'avons jamais manqué de la respecter. Je ne savais pas que vos origines fussent italiennes. Fit Pinson, car votre nom... Notre nom a été francisé depuis 2 siècles environ que nous sommes établis en France. Nous sommes originaires de la République de Saint-Marin, Revelli de San Marino. J'ignorais complètement. Nous conservons comme une relique, dans ce château, un objet d'art précieux, non seulement par le travail qui en est fort beau et par sa rareté, car il n'en existe que 5 au monde, mais parce qu'une vieille légende assure que du jour où il disparaîtrait de notre famille, le malheur s'acharnerait sur notre maison. Sa présence ici, tout au contraire, ne peut nous causer que du bonheur. Monsieur Rebelle de Saint-Marin prit la pièce en main et la fit admirer à Pinson qui la prit à son tour et l'examina avec soin. « Mais, » fit l'inspecteur, tout à coup intéressé, « ne dirait-on pas qu'il y a, à demi caché, sous ce cercle d'or, certains caractères hiéroglyphiques ? En effet, cette coupe qui remonte au 15e siècle, portent des caractères qui nous sont incompréhensibles aujourd'hui, mais qui, à cette époque, formaient un chiffre conventionnel dont se servaient les 5 chefs d'une redoutable société secrète qui cherchait à lutter contre le pouvoir néfaste de la famille Borgia. L'un de ces chefs était un Revelli da San Marino, qui périt, du reste, assassiné par ordre de César Borgia. Selon les traditions de famille, cette coupe est transmise de père en fils à l'aîné des garçons dans chaque génération, et c'est ainsi que je la possède. » Ils retournèrent dans le petit salon et le propriétaire de Mainville reprit. « Depuis le cambriolage récent commis chez moi, j'ai une peur atroce que ma coupe ne vienne à m'être dérobée. Enfermez-la en lieu sûr. C'est bien ce que je fais tous les soirs, et je ne la laisse ici que 2 jours. Mais il me sera impossible de faire de même le jour de la fête. Tous mes hôtes connaissent l'histoire de cet objet d'art, et je ne voudrais pas priver mon fils de voir ce porte-bonheur de la famille, le jour même où il atteindra sa majorité. Vous savez combien nous avons tous gardé un sentiment de superstition au fond du cœur. Alors, que désirez-vous que je fasse ? » demanda Pinson. Je crains que dans toute cette affluence de monde, affairé comme je le serai, je ne m'aperçoive pas de la présence possible d'un escroc du grand monde, qui se serait glissé parmi mes hôtes et, profitant d'un moment d'inattention, viendrait à soustraire cette pièce. Avez-vous dressé la liste de vos invités ? « Oui, la voici, » fit M. Rebel en lui tendant un papier. Pinson la parcourut de l'œil, puis soudain s'arrêta. « Je vois le nom du chevalier Santelli. Oui, c'est un vieil ami de ma famille. »« Ah, pourquoi me demandez-vous cela ? Pour rien. » Et l'inspecteur continua à lire la liste. La question qu'il avait posée avait un peu ennuyé M. Rebel, qui revint de nouveau. « Santelli est un parfait homme du monde. C'est un fin lettré, un musicien distingué. » Et sa fortune le met au-dessus de tout soupçon. Pinson eut un sourire imperceptible. Il sait le prix que j'attache à cette coupe et serait au désespoir de me l'avoir dérobée. Il le sait d'autant mieux que, très grand amateur de bibelots, il avait offert de me l'acheter moyennant une très forte somme, offre que j'ai aussitôt déclinée. Il y a longtemps qu'il vous l'a faite, mais il y a une quinzaine environ. Tenez, quelques jours avant la visite des cambrioleurs à Mainville. Ah, heureusement que depuis longtemps déjà, j'enferme la coupe le soir, car ces malfaiteurs auraient bien pu me l'enlever. Eh bien, monsieur, dit alors Pinson en se levant, je vais songer à ce que vous venez de me dire et voir le parti à prendre. Je ne saurais vous donner un avis sur l'heure, mais je vous promets de faire le nécessaire pour que votre objet d'art ne disparaisse pas le jour de la fête. Jusque-là, surveillez-le bien et continuez comme vous l'avez fait jusqu'ici à l'enfermer le soir. Peu après, le boguet ramenait le policier à la gare. Quelle curieuse affaire, pensait-il, tandis que le train le ramenait à Paris. Je suis certain que ce chevalier Santelli est un complice, sinon le chef de la fameuse bande des faux-monnayeurs italiens que nous avons sous les verrous, mais il est trop fin pour se laisser prendre. Si seulement je possédais la clé de la lettre chiffrée qu'on a trouvée dans la perquisition faite au domicile de l'un des malfaiteurs. J'ai la preuve certaine que cette lettre émane de lui. L'inscription de l'enveloppe est de l'écriture de Santelli, ainsi que j'ai pu m'en rendre compte, en la comparant à la lettre autographe de lui que je lui ai fait voler par son valet de chambre. Mais impossible de parvenir à déchiffrer ce maudit cryptogramme. Pas plus les experts que moi-même. Et cependant, Dieu sait que je m'y connais. Se serait-il servi des caractères hiéroglyphiques de la coupe en verre de Venise? Peut-être bien. Mais ils sont cachés sous le cercle d'or que M. Rebelle de Saint-Marin ne voudra jamais me permettre d'enlever, de peur de voir l'objet brisé. Oui, c'est bien cela. Il employait des caractères analogues et, sachant que sa lettre mystérieuse est entre les mains de la police, les journaux ont fait assez de bruit à ce sujet. Il a peur que tout ne se découvre avec la coupe de Mainville. C'est pour cela qu'il a offert à M. Revel de la lui acheter pour un prix très élevé. Et devant son refus, il a dû payer des cambrioleurs pour la lui enlever. Pas de doute. Et c'est un simple hasard qui a fait que le coup a raté, l'objet d'art étant fermé tous les soirs en lieu sûr. Santelli, invité au château pour la cérémonie de la majorité du jeune Octave, va tenter ou de la voler ou de la briser, en heurtant la colonnette au cours d'une danse pendant le bal. Il n'y a qu'un parti à prendre. Faire endosser à deux agents sûrs que j'enverrai la livrée de M. Revel de Saint-Marin et leur faire monter la garde de chaque côté de la coupe afin d'empêcher les couples de danseurs d'approcher trop près, par imprudence. Le soir même, Pinson écrivait au châtelain de Mainville le moyen auquel il avait songé pour protéger sa coupe en verre de Venise, et deux jours après, il recevait la réponse. Le moyen du policier semblait à M. Revel comme étant le plus sûr, et il l'acceptait en priant toutefois l'inspecteur de lui envoyer des hommes qui n'eussent pas trop le physique de l'emploi. De retour à Paris, Pinson n'était pas resté inactif. Il s'était de nouveau abouché avec le valet de chambre de Santelli, une fois déjà acheté par lui, et en le questionnant habilement, il apprit que son maître possédait dans sa collection une grande coupe en verre de Venise, dont le rebord était orné d'un cercle d'or et à laquelle il tenait beaucoup. Les détails des ornements de verre de la coupe elle-même, tels que les décrivait le domestique, correspondaient en tout point à ceux de la pièce du château de Mainville. Le policier en conclut que ce devait être là une réplique de l'autre, ou plutôt l'une des cinq coupes dont lui avait parlé M. Revel. Santelli avait dû se servir du chiffre de la sienne et cherchait à détruire l'autre coûte que coûte pour n'être pas découvert. Pinson apprit aussi, détail qu'il ignorait, que le chevalier devait passer deux jours à Mainville, la veille de la fête et le jour même. Grâce à une petite somme d'argent, il obtint du valet de chambre que celui-ci le laissa entrer chez son maître aussitôt qu'il serait parti et lui fit voir la fameuse coupe. Il mettrait la première journée d'absence de l'Italien à démonter le cercle d'or, à copier les caractères, puis à remonter la coupe. Il déchiffrerait ensuite le texte de la lettre mystérieuse et arriverait encore à temps à Mainville. La fête battait son plein et les couples enlacés dansaient au son d'une musique entraînante dans la grande salle de bal. De chaque côté de la colonnette se trouvait un domestique du château, et les hôtes étaient loin de se douter que ce n'étaient là que deux agents de la sûreté portant la livrée des rebelles de Saint-Marin. L'orchestre, composé d'une quinzaine de musiciens, se trouvait placée tout à côté. Le propriétaire de Mainville avait cherché Pinson partout sans parvenir à le découvrir. Se trouvait-il donc habilement grimé parmi la foule des invités? Il pensa bien le demander à voix basse à l'un des gardiens de la coupe, mais il craignit d'être entendu et préféra attendre. L'orchestre, qui s'était arrêté quelques instants, commençait maintenant les premières mesures d'une valse ravissante de la composition de Saint-Elie. Celui-ci dansait avec la maîtresse de la maison. L'Italien, qui était très fier de ses œuvres musicales, avait prié son ami rebelle de mettre cette valse au programme de la soirée, car c'était son dernier ouvrage. L'autre y avait volontiers consenti et les couples tournoyaient au son de cette musique réellement jolie. Au même moment, Pinson entrait dans les salons et voulut attendre que la danse eût pris fin pour s'approcher de M. Revel. Il avait en effet découvert la clé de la fameuse lettre mystérieuse qui impliquait Saint-Elli dans l'affaire des faux-monnayeurs italiens. Il avait mission de l'arrêter. Le policier, qui prêtait une oreille attentive à la musique et s'était rapproché de l'orchestre, ne put s'empêcher de remarquer combien la note dominante, qui se répétait sur deux mesures, tandis que tous les instruments jouaient ensemble à l'unisson, résonnait avec une insistance bizarre. Puis soudain, sans le moindre avertissement préalable, on entendit un fracas de verres brisés. Les musiciens s'arrêtèrent subitement de jouer et les couples de danser. La coupe de verre de Venise gisait à terre maintenant, brisée en mille morceaux. Il y eut un moment de silence complet, suivi d'un cri aigu. M. Revel de Saint-Marin venait d'apprendre le malheur qui lui était arrivé. On s'approcha, et il eut alors un brouhaha indescriptible. Pinson s'approcha du propriétaire de Mainville, auprès duquel se tenait Saint-Elli. « Monsieur Revel, lui dit-il, en imposant silence aux invités, voilà l'auteur de l'accident. » Et du doigt, il désignait l'Italien. « Monsieur le chevalier est un musicien habile, qui a su répéter dans sa composition une note dominante sur deux mesures, tandis que tous les instruments jouaient à l'unisson. Or, cette note est celle qui concorde avec la note que rendait le cristal de la coupe sous un choc léger. Et suivant la loi bien connue des ondes vibratoires, jouée de cette façon, elle devait fatalement briser la coupe. C'est ce qui est arrivé. M. Revel était atterré. Son ami Saint-Elli coupable d'une pareille action. Le chevalier le prit de haut en cherchant à se disculper, mais Pinson ne lui en laissa pas le temps. « Monsieur Saint-Elli, veuillez me suivre. Vous êtes en état d'arrestation, » lui dit-il en faisant signe aux deux agents livrés. « Moi ? » s'écria le chevalier. « Et pourquoi ?»« J'ai découvert la clé de la lettre mystérieuse écrite par vous à l'un des membres de la bande des faux-monnayeurs italiens. Inutile de nier, vous êtes leur complice. » Puis s'adressant à M. Revel de Saint-Marin, « Vous voyez que mes soupçons étaient bien fondés, lorsque vous m'avez dit avoir invité ce chevalier d'industrie. Mais consolez-vous, votre coupe sera remplacée. M. Saint-Elli en possède le double chez lui, et se fera probablement un plaisir de vous l'offrir en échange de celle qu'il vous a détruite, n'est-ce pas, chevalier ?» Ainsi s'achève « Le mystère du château de Mainville, une enquête de l'inspecteur Pinson » par Jacques Bellême.